Bonjour et bienvenue au TF Podcast, le podcast du thé féministe. Installez-vous, versez-vous une boisson chaude. Nous, sans surprise, c'est du thé. Allez, c'est parti. Bonjour Talia, comment tu vas ? Bonjour Laura, bien et toi ? Écoute, ça va très bien puisqu'on va parler de féminisme, donc ça ne pourrait aller mieux. Oui. Enfin, avant d'aborder le sujet de ce podcast, est-ce que tu veux bien nous raconter l'origine du TF Podcast ? Ouais, carrément. Il y a à peu près un an, j'ai créé le TF, qui veut dire thé féministe, dont tu es d'ailleurs l'une des premières participantes. Oui. Le principe, c'est une réunion par mois sur un thème différent à chaque fois, pour discuter des problématiques féministes diverses. Donc on parle nécessairement de sexisme, mais on parle aussi de racisme, LGBT-phobie, validisme, classisme, grossophobie. Mmh. L'ETF, c'est un groupe d'une quinzaine de femmes qui sont détenues de religions et d'orientations sexuelles diverses. Par le bouche à oreille, le groupe est devenu plus grand, puisqu'on est passé de 7 à peu près 20 participantes en moins d'un an. BG. En parallèle, on a eu les échos d'un certain nombre de personnes qui étaient intéressées par ce qu'on racontait sans nécessairement vouloir ou pouvoir venir. Du coup, on s'est demandé comment permettre à ces personnes de nous écouter tout en conservant l'intimité des réunions. Tu es celle qui a proposé l'idée d'un podcast. Et après quelques mois de préparation, le TF Podcast est né. Enfin bon, j'avoue, c'était pas mon idée vraiment, puisque c'est ma cousine, Leight. En fait, voilà, je lui en parlais souvent, elle me disait mais pourquoi vous en faites pas un podcast ? Parce que j'aimerais écouter aussi. Et donc voilà, en fait, c'est son idée. Écoute, bah génial. Merci Leight pour ta magnifique idée. Si tu nous écoutes, on espère que ce podcast te plaît et cette première émission t'est dédiée. Donc, dans le TF Podcast, on va reprendre les thèmes qu'on a abordés au cours des réunions du TF. Et donc, en fait, on va pouvoir offrir comme ça aux personnes qui nous écoutent un résumé de ce qu'on a appris. Exactement. Et comme lors de notre première séance, notre sujet d'aujourd'hui porte sur les critères de beauté comme aliénation des femmes. C'est une idée de titre qui nous vient de l'ouvrage « Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine » qui a été écrit par Mona Chollet. Talia, est-ce que tu peux nous dire comment tu as organisé ta présentation, s'il te plaît ? Oui. Alors, tout d'abord, on va parler de l'injonction à la féminité. Ensuite, on parlera des injonctions à la blancheur que vivent les femmes racisées. Et enfin, comment la beauté, la féminité sont des subordinations des femmes. Et aussi, ben, je tiens à préciser que l'ouvrage de Mona Chollet, il a vraiment été d'une très grande aide pour préparer ce podcast. Et du coup, on va reprendre en fait, la majorité de ses développements dans le podcast. Donc voilà, je vais vraiment juste expliquer ce qu'il y a dans le livre. Et aussi, de même que l'article « Sois blanche et tais-toi, le racisme est aussi un esthétisme » de Rokhaya Diallo. Donc voilà, vous retrouverez la bibliographie dans la description du podcast. Avant de rentrer plus en détail dans le sujet, si on voulait le résumer en quelques mots, comment tu t'y prendrais ? Je dirais que les critères de beauté sont tellement pesants sur les femmes et leur demandent tellement de modifications de leur corps, donc, notamment s'agissant des femmes racisées, qu'elles finissent en fait par devenir un peu étrangères à elles-mêmes. Et en soi, elles savent plus vraiment qui elles sont en dehors de cette féminité. Et donc, ce qui peut s'avérer assez dramatique lorsque les femmes vieillissent, parce que la jeunesse est inhérente à la beauté, comme on le sait. Parlons tout d'abord de la féminité. Comment l'injonction fonctionne-t-elle ? C'est une injonction qui est assez paradoxale, en fait. Elle est principalement relayée par la presse féminine, donc vous voyez tout ce que c'est, hein. Donc d'un côté, ces magazines, ils encouragent les lectrices à être elles-mêmes, à trouver leur propre style, mais en fait, elles leur proposent qu'un choix très restreint de modèles, et elles multiplient les indications très précises, voire même autoritaires. Et en dehors de la publicité et de la presse à destination des femmes, en soi, la société française, elle néglige complètement l'injonction à la féminité que connaissent les femmes. Enfin, on n'en parle pas. Donc en fait, c'est vraiment paradoxal, puisque la seule presse féminine dénonce cette situation. Donc, il n'y a que là qu'on va en parler, mais en même temps, c'est la principale instigatrice de toute cette pression. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Et la raison de tout ça, c'est simple, c'est que les seuls endroits où parler beauté, c'est légitime et ça a un intérêt, c'est l'endroit où la pression naît, en fait. Parce que la beauté, on dit que c'est un truc de bonne femme, donc on va pas en parler en dehors de ça. Et en plus, voilà, les hommes, on dit, ils se moquent d'être beaux, ou en tout cas, ils n'en ont pas besoin pour exister, ou pour être légitimes dans leur existence. Donc en fait, c'est, si on faisait un diagramme des aspects qui font notre développement, au lieu d'avoir 20% vie perso, 20% éducation, 20%, enfin éducation et travail, hein, 20% loisirs, 20% apparence et 20% santé, on a l'apparence qui va prendre 60% de tout ça et qui va bouffer en fait le temps passé sur les autres aspects de ce qui fait notre identité. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner de ce paradoxe ? Alors oui, Mona Cholet, elle parle de la pièce de théâtre d'Eve Ensler qui s'appelle Un corps parfait et qui parle des ravages de la beauté comme obsession. Et en fait, cette pièce, elle a été adaptée en français par Michel Fitoussi, qui est une journaliste au magazine Elle. Donc pour montrer un peu l'absurdité de cette situation, Mona Cholet, elle dit que c'est comme si Oussama Ben Laden avait adapté en arabe les mémoires de Gandhi. Effectivement, ça montre bien l'ampleur du paradoxe, cette comparaison. Du coup, les ravages de la beauté, en référence du coup à la pièce de théâtre, ça se traduit comment ? Il y a un film qui en parle très bien. C'est le film Picture Me, qui dépeint en fait la réalité, qui dépeint très bien en fait toute cette réalité en prenant l'exemple du mannequinat. Donc en fait, c'est un film qui va montrer l'ensemble des facettes et de l'expérience d'un mannequin. Donc d'un côté, on a l'argent facile, donc voilà tous les avantages qu'on peut avoir quand on est mannequin. Mais pour celles dont la carrière n'a pas vraiment décollé, on a vraiment un endettement abyssal auprès des agences. Et bon, ça c'est pour toutes les mannequins, il y a les abus sexuels, les complexes, la dévalorisation de soi, qui naissent en fait avec tous les regards et les commentaires impitoyables sur leur corps, la prédation cynique, l'épuisement et l'exaspération causés par le fait d'être considéré comme une chose tout le temps, comme une machine qu'il faut rentabiliser au maximum en fait. Et il y a même une mannequin d'ailleurs qui en parle très bien dans un TED Talk, donc une vidéo YouTube qu'on mettra le lien dans la description, qui s'appelle « Looks aren't everything, believe me, I am a model ». Attends, j'ai un accent pourri. Mais non, il est très bien ton accent. Merci. Enfin bon, et en tout cas, cette mannequin s'appelle Cameron Russell. Donc la vidéo, elle est géniale, et dedans, elle parle du fait, en fait, de n'avoir aucune confiance en elle, parce qu'en fait, elle doit penser à ce à quoi elle ressemble tout le temps, vraiment tout le temps. Et elle disait même que si on se demande si on peut être plus heureux en étant plus belle, plus fine, plus grande, enfin, etc., etc., alors, dans ce cas-là, il faudrait écouter un groupe de mannequins qui sont quand même les filles censées avoir toutes ces qualités-là, mais ce sont les filles les plus complexées et préoccupées par leur apparence. Donc en soi, l'image, c'est un pouvoir, oui, mais l'image, elle est superficielle et elle est construite surtout. Et pourtant, elle a un impact énorme sur nos vies. Du coup, pourquoi les femmes continuent à être attirées par ce qui a été appelé le complexe mode beauté par la féministe britannique Angela McRobbie ? Pour rappel, pour nos auditrices et auditeurs, cette notion recouvre toutes ces industries qui ont une puissance publicitaire énorme et qui résistent très bien à la crise, parce que les femmes continuent à acheter des produits de beauté, même lorsque le budget se réduit, ce qui montre bien à quel point c'est... Toujours. C'est conséquent, c'est un impact énorme sur la vie des femmes, et c'est un poids. Mais du coup, pourquoi les femmes continuent à être attirées par le complexe mode beauté ? Alors, je vais encore citer Mona Cholet. Donc, elle explique que c'est parce que, en fait, c'est le seul dans notre société à prendre au sérieux une certaine culture féminine. Et cette culture que les femmes ont développée et qu'elles ont découverte du fait de leur oppression spécifique. Donc, et c'est même un mouvement qui se retrouve dans toutes les oppressions. D'accord. Des études ont récemment montré que les enfants intégraient le sexisme dès l'âge de 5 ans. Ça implique donc que les petites filles sont déjà en prise avec la beauté à un âge très jeune. Mmh. Et d'ailleurs, moi, je le vois, j'ai une petite cousine qui a 9 ans. Mmh. Et y a déjà des questions du « Ah, mais j'ai des cernes, faut que je mette de l'anti-cerne et tout. » Et elle a 9 ans, elle a pas de cernes. Et puis quand même, elle en aurait, pourquoi elle aurait ce poids à porter sur les épaules ? Elle veut... C'est ça. Mais surtout à 9 ans, quoi. C'est ça, à 9 ans, elle s'inquiète déjà beaucoup de son apparence physique. Et c'est quelque chose que je vois grandir en elle et... Moi, ça me pèse de l'avoir évolué comme ça. Du coup, comment c'est possible? D'où ça vient, cette intégration dans l'esprit de manière aussi jeune? Ben, tout simplement, en fait, c'est parce que aucun enfant ne va grandir en dehors de la société. D'ailleurs, Sophie Bourdais et Samuel Duer ont expliqué que les adultes, donc notamment les enseignants, ils reproduisent en fait les stéréotypes et donc ils vont contribuer au maintien du sexisme, même si c'est plus subtil. Et on remarque notamment une insistance sur la jupe, qui traduit donc une volonté que les élèves se conforment au modèle de la jeune fille féminine. Mais cette jeune fille, par contre, elle doit rester occidentale parce que le voile, c'est totalement rejeté, par exemple. Oui, notamment, on l'a vu avec la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux à l'école. Voilà, c'est une bonne vieille loi de merde. Voilà. Le féminisme, ça se place où dans tout ça? Là, de même, c'est assez ambigu. D'un côté, il y a une volonté en fait, de bouleverser la culture dominante, donc de rendre légitime la sous-culture entre guillemets, des femmes. Et de l'autre, il y a la volonté de sortir des traits catalogués comme féminins et une peur de l'essentialisme. D'ailleurs, pour rappel, l'essentialisme, ça consiste à attribuer à chaque genre des comportements et des qualités différentes selon les différences biologiques observées. Par exemple, les femmes sont douces. Voilà, ça, c'est de l'essentialisme. Donc voilà, donc de l'autre, on a cette volonté de sortir de l'essentialisme, donc même de cette peur d'être à chaque fois associée à ça, et une volonté aussi de sortir du fait d'être identifiée à des aspects marginalisés et dépréciés de l'identité féminine. Et bon, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Suzanne Bordeaux, elle s'appelle. Cette identité féminine passe par la beauté, qui se traduit par la féminité, mais également par d'autres critères, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Par exemple, pour les femmes racisées, voilà, c'est très compliqué de se trouver belle, car l'un des critères de beauté est la blancheur. Et donc nécessairement, quand on grandit avec des images de femmes blanches comme modèle unique de beauté, on va faire de son mieux pour s'en rapprocher. Et en fait, le but, d'une certaine façon, c'est de gommer les traits ethniques, donc ethno-raciaux. Et du coup, c'est terrible parce que ça implique de lutter tous les jours, mais vraiment tous les jours, contre sa propre apparence. C'est un refus complet de son corps. Qu'est-ce que ça implique exactement, toi, en tant que femme noire? Quelles sont les pratiques que tu as utilisées ou vues utiliser, ou même qu'on t'a fait utiliser quand tu étais plus jeune et que tu te rendais pas nécessairement compte de ce que ça impliquait et que tu n'avais pas nécessairement ton mot à dire? Oui, surtout. Alors, grosso modo, vu que le but, c'est de blanchir la peau et de se rapprocher de l'apparence qu'on voit partout, donc il y a l'éclaircissement de la peau avec les produits et le défrisage des cheveux. Ça, c'est vraiment les pratiques que je vois le plus, enfin que j'ai vu le plus. Donc ça implique d'avoir des défrisages réguliers, de porter des perruques, de porter des tissages, même les tresses, se faire des tresses avec des extensions. Ça participe aussi à ça. Et puis après, pour la peau, y a tous les produits éclaircissants que je vois partout. Hein, parce que, chez les tantines, les cousines, un peu partout, je vois des produits éclaircissants dans les salles de bain et c'est tout à fait normal. Mais ces produits éclaircissants, c'est clairement des produits chimiques qui sont souvent très dangereux, voire tout le temps, en fait. Non, en fait, j'en ai pas vu un seul qui était bon pour la peau. Et même Pap Ndiaye, il mettait en avant le fait que les avantages de l'éclaircissement, en fait, ils semblent supérieurs aux risques, puisque en fait, une peau claire, ça atténue le handicap social représenté par la peau sombre. Donc en soi, on préfère prendre des risques. Et d'ailleurs, comment ça s'appelle? Le tchoko. Le tchoko, vu que je suis congolaise, je suis d'origine congolaise, c'est quelque chose qui fait un peu beaucoup de ravages chez nous, parce que plus tu vas avoir la peau claire, mieux c'est. Je sais que moi, souvent, on me dit « Ah, t'as la peau claire, t'as de la chance ». Enfin, on me le dit, mais vraiment tout le temps, j'entends ça tout le temps. Et ça, c'est un nom, ça s'appelle le colorisme, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Le colorisme, en fait, c'est voilà, c'est plus tu te rapproches en fait de la blancheur, mieux c'est. Je sais que même dans, je crois que je sais plus si c'est en créole ou pas, mais on dit peau chapée pour dire, enfin pour qualifier la peau un peu marron clair, pour dire elle est échappée de la noirceur. Et ben, pour les cheveux, bon ben là les cheveux, c'est parce que les cheveux crépus, ils ont toujours été considérés comme des cheveux mal coiffés, comme une tignasse. Moi j'ai beaucoup d'amis qui me disaient oh, mouton, tu vois. Enfin c'est considéré comme pas beau. Et donc, de nombreuses femmes racisées utilisent des perruques ou des extensions. Enfin, moi, la première, hein, j'utilisais tout le temps. Et en fait, on plonge un peu dans un cercle vicieux qui tend à dénaturer le cheveu via le défrisage chimique, enfin, tout type de technique. Et d'ailleurs, le défrisage, enfin, on va être clair, on parle de se brûler le cuir chevelu, tellement les produits sont abrasifs. Genre, moi, j'ai reconnu, je crois, NaOH dessus, et c'est de la soude. Hein. Je l'ai vu en chimie, punaise. D'ailleurs, même moi, mon premier défrisage chimique, c'était en primaire. Et je me souviens à quel point j'étais heureuse d'avoir les cheveux lisses et pouvoir me coiffer ben, comme les stars, comme mes personnages préférés que je voyais à la télé, comme mes copines. En fait, pour ressembler à ce que j'associais comme étant la beauté, quoi. Et à chaque nouveau défrisage, j'étais ultra heureuse parce que je savais que j'allais pouvoir me coiffer facilement et sans douleur surtout. Mais que c'était un temps limité, parce que voilà, dès que je remouillais les cheveux, ça redevenait crépus. Du coup, quand on me défrisait, plus ça brûlait, donc plus le produit restait longtemps sur ma tête, parce que ça brûle, hein, ça fait mal, et plus on se dit, ça va bien lisser, du coup on fait une sorte de concours de « je reste le plus longtemps jusqu'à ce que ce soit insupportable », et là on l'enlève. Et d'ailleurs, je sais qu'à défaut de pouvoir défriser tout le temps, parce que d'ailleurs sur la boîte ils écrivent qu'il faut espacer les défrisages, la blague, ben moi en fait je préférais les tresses, les extensions. Parce qu'en fait, comme ça se rapprochait de la norme, parce qu'elles retombent, hein, c'est les tresses qui retombent, ça donne une illusion de chevelure lisse. Et donc cette illusion de chevelure lisse que peuvent donner les longues tresses, elles les rendent ethniquement correctes. Je suppose qu'en plus d'être extrêmement dangereux, tous ces traitements sont excessivement chers, parce que sinon, ça ne serait pas drôle. Oui. Ah oui, non, mais c'est, enfin, les prix, c'est, ça monte tellement vite. D'ailleurs, en plus, les femmes racisées, elles ont un budget... en tout cas, bon, là, je vais parler pour les femmes noires, surtout. Elles ont un budget qui est 9 fois supérieur à celui des femmes blanches. D'ailleurs, c'est des chiffres qu'avait sorti Myriam Keita Brunet. Donc, et je la crois parce que je l'ai vu aussi, hein, je veux dire, tout ce qu'on dépense là-dedans, c'est au moins le triple de ce que dépense une femme blanche. Et d'ailleurs, rien que les lissages brésiliens sur Paris, c'est 300 euros. Donc 300 euros à chaque fois, tous les 3, 2, 6 mois, enfin, c'est énorme. Et évidemment, les femmes racisées gagnent moins que les femmes blanches, même si on n'a pas de chiffre officiel en France, parce que les statistiques ethniques sont interdites. Mm-hmm. Mais on peut comparer avec un pays qui est plutôt proche d'une autre, c'est-à-dire les États-Unis. Mm-hmm. Et aux États-Unis, une femme noire gagne 63% de ce que gagne un homme blanc, tandis qu'une femme blanche, elle, c'est 80% de ce que gagne un homme blanc. Du coup, on peut imaginer un ordre de grandeur similaire en France. Oui, je pense. Ouais. Du coup, on peut vraiment voir que c'est la double peine. D'un côté, bah, les femmes racisées gagnent moins d'argent, mais elles ont un budget beauté beaucoup plus conséquent, mm-hmm, pour pouvoir se conformer à ce modèle. Mm-hmm. Et donc, on a une sorte de double peine. Parlant de sanctions, quelle est celle rencontrée par les femmes noires, notamment, les femmes racisées aussi plus généralement, qui ont les cheveux bouclés, frisés, à crépus? Quelle est la sanction rencontrée par ces femmes qui choisissent de ne pas défriser leurs cheveux? Pour les femmes qui choisissent de laisser leurs cheveux naturels, c'est un peu comme si elles bravaient l'ordre établi. On voit pas beaucoup d'avocates, de doctoresses, de chefs d'entreprise, de cadres supérieurs, d'actrices, enfin de femmes, voilà, qui ont une certaine position dans le travail, qui portent leurs cheveux crépus au naturel. C'est... En fait, dès lors qu'on ne fait pas cet effort de lissage, on est considéré un peu comme négligé. Enfin, on va se recevoir des réflexions. C'est... On n'est pas pro, on n'est pas coiffé. Et forcément, du coup, ça complique l'accès aux promotions. Et bon, même s'il y a d'autres biais racistes qui rentrent en jeu. Mais dans la rue, le choix du cheveu naturel, c'est un peu contraire à la norme. En fait, c'est tellement contraire à la norme que c'est perçu comme un acte d'affirmation de soi. C'est un peu différent de par exemple, dans le milieu professionnel. Dans la rue, c'est plus « Ah, t'as osé, quoi !» Et du coup, t'es à contre-courant des obligations dominantes. Donc, t'es décomplexé, t'es fier. Et donc, ce choix, en fait, il place les personnes qui l'ont adopté dans une posture de militante malgré elle. Et en fait, je crois que dans tous les cas, que ce soit ouais, t'es négligé ou ah, en fait, t'as de l'assurance et tout, c'est stigmatisé. En fait, le geste, il est stigmatisé. Oui, d'ailleurs, on l'a vu il y a quelques semaines, Audrey Pulvar, qui avait toujours lissé ses cheveux jusque-là, ou peut-être porté des perruques, à vrai dire, j'en sais absolument rien. Ah, mais je t'avoue, je sais pas. Non, en tout cas, elle avait des cheveux, elle était avec l'apparence de cheveux lisses. Ouais, ouais. Il y a quelques semaines, sur un plateau télé, elle est apparue avec ses cheveux naturels. Mm-hmm. Et elle a reçu une vague d'insultes, notamment sur Internet, du fait d'avoir juste choisi de porter ses cheveux normalement. De ne pas leur faire subir un traitement pour les lisser, que ça soit une perruque ou un lissage. Ben ouais. Et elle a reçu une vague de violence qui était assez incroyable. Et ça montre bien, effectivement, ce que tu dis, ça m'étonne que, pas. Que les femmes qui portent leurs cheveux au naturel vont à l'encontre De l'ordre établi. Ouais, de l'ordre établi, c'est ça. C'est vraiment ça, parce que, enfin, je sais pas, ça aurait été une autre personne, ben, une fille, par exemple, qui est blanche, des cheveux blonds, lisses, elle va changer de coiffure, enfin... Bah, ok. Ouais, elle aurait porté un chignon, une queue de cheval, les cheveux détachés. Elle aurait jamais pris une telle violence, quoi. Ben, c'est ça. Et enfin, c'est assez terrifiant. Du coup, si on résume tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, la femme idéale, selon ses critères de beauté, c'est une femme qui est blanche, mince, jeune et quoi d'autre? Alors, on a aussi valide, hétéro, sans odeur, sans poils, sans imperfection sur le visage, donc maquillage, mais pas trop, hein, sinon... cisgenre. Oui, si tu veux petit point définition, qu'est-ce que ça veut dire cisgenre? C'est lorsque le genre qui nous a été assigné à la naissance correspond avec notre genre. Et donc, c'est le contraire de transgenre, en fait, tout simplement. Okay. Voilà. Donc, ben voilà, c'est, voilà les critères de beauté, c'est ça. Enfin, ce sont tous ceux qu'on vient de citer. Donc, en soi, c'est une véritable tyrannie du corps idéal. C'est pas possible. D'ailleurs, en France, 53% des femmes n'aiment pas leur corps. Donc, bon, ok, c'est vrai que pour la grande majorité, se faire belle, c'est un plaisir. Je pense que 94% des femmes diront « ça me fait plaisir de me faire belle ». Mais à côté de ça, 96% des femmes a déjà détesté son corps, au moins une fois, et 70% souhaitent en changer une partie. Enfin, franchement, là, je peux même témoigner, parce que moi-même, j'ai très longtemps détesté mon corps, et je voulais en changer, mais tellement de parties. Enfin, c'est pas possible. Est-ce que le fait que ça soit un plaisir de se faire belle, c'est pas justement parce qu'on tire une satisfaction de rentrer dans cette norme qu'on attend de nous? Parce que quand on compare les chiffres, quand on voit que 96% des femmes... a au moins une fois détesté son corps, et que 70% souhaitent en changer une partie, on en retire un plaisir de se faire belle parce qu'on rentre dans, les critères qu'on nous impose. Mais et on est soulagé d'être dans cette norme. Mais c'est totalement ça. C'est... Oui. Et on n'a pas naturellement, on ne ressent pas naturellement du plaisir à l'idée de se faire belle, c'est parce qu'on nous l'a imposé. Mais totalement, mais c'est pour ça que quand on est tout petit, franchement, on s'en fout. Enfin, on s'en fiche, vraiment, c'est en grandissant à force qu'on... Bah, du coup, on veut ressembler à ce qui est beau. En plus, comme nous, en tant que filles, on a besoin d'être belle pour exister en soi. Donc, vu qu'on veut se conformer à l'image de la beauté, donc on va se dire, quand on s'en rapproche, on est contente, parce que on va rentrer dans le moule. C'est aussi simple que ça. Donc, bon. Non, mais en fait, je pense que c'est pas seulement la diversité des formes qui manquent dans l'environnement culturel, c'est vraiment, comment dire, les représentations de manière diverse d'être une femme. En fait, c'est ça qui manque. La liberté de choix, c'est un vrai mensonge. On n'a pas le choix. Il faut qu'on ressemble à ça, à ça, à ça, qu'on s'en rapproche le plus. Et là, on va nous dire, ah ouais, là, t'es bien, là, t'es... J'adore cette phrase qui dit, ouais, ah, t'es une vraie femme. Quand on dit à quelqu'un, t'es un homme, un vrai, on va parler de qualité, genre courage, des trucs comme ça. Mais une fille, souvent, j'entends cette phrase, ah ouais, c'est une vraie fille, parce qu'elle est féminine, entre guillemets, donc... Elle se maquille, elle se correspond aux critères de beauté. Voilà, tout le temps. Et ça me tue. Ça m'énerve. Oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve chez les femmes racisées, le fait que notamment les femmes noires ne sont pas vues comme des vraies femmes. Oui, non mais vraiment, c'est horrible. Mais oui, vraiment, je le ressens tout le temps. D'ailleurs, je complexais beaucoup adolescente parce que comment dire, j'étais pas considérée comme les autres. En fait, je l'ai vite compris que j'étais vraiment pas considérée. Enfin, j'ai grandi à chaque fois à l'école, j'étais la seule noire. Et je voyais en fait cette différence, que j'étais pas considérée vraiment comme une femme. Mais même maintenant encore, je suis une espèce de truc à essayer, tu vois. Enfin, oui, et là on rentre dans toutes les questions de fétichisation. Ouais. Et tout ça. C'est encore autre chose. Qui sont pas le sujet du podcast, mais clairement, on aura l'occasion, je pense, à un moment ou un autre d'en parler. Ça permet de faire un peu d'ouverture, ça fait pas de mal. Oui. Mais bon, non, du coup, c'est un peu désespérant tout ça, donc on va essayer de finir sur de partir sur une note positive. Est-ce qu'il y a des solutions pour changer cette vision du corps idéal? Oui, heureusement. Alors déjà, je veux parler du mouvement Body Positive, qui est créé par et pour les femmes grosses, pour remettre en fait en question la minceur comme critère de beauté. Donc l'idée, c'est de mettre en avant d'autres corps, donc d'autres beautés. D'ailleurs, on commence à voir davantage de femmes grosses, et ça, c'est vraiment à célébrer. Après, c'est vrai que on remarque quand même que ces corps, ils restent assez normés, parce que, comme sur les corps des mannequins minces, là aussi, les vergetures, les poils, la cellulite, tout ça, c'est pas apparent. Mais en parallèle, il y a aussi Lauren Crowe qui met en avant le fait qu'on a aussi besoin de voir des femmes racisées non valides, transgenres, queer, pour dire que voilà, au sein des femmes racisées aussi, comme ce sont des femmes, c'est divers, quoi. Enfin, c'est diversifié. Mais aussi au sein de toutes les autres, des femmes blanches, il y a aussi des femmes transgenres, des femmes queer, des femmes valides. Tout à fait. On a vraiment besoin de voir toute la diversité des corps. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ne pas faire comme Victoria's Secret, qui refuse d'avoir des mannequins grosses et ou transgenres. Donc, bravo pour la diversité, hein, Victoria's Secret. Je te jure. Mais, enfin, bref. Mais oui, c'est ça. Du coup, pour contrer ça et aussi sortir du male gaze, donc à nouveau, petit point définition, le male gaze, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de présenter les corps des femmes de manière à plaire aux hommes. Assez simplifié, mm-hmm. On en parlera sans doute à d'autres occasions, oui. Plus en détail. Du coup, pour contrer tout ça et pour sortir du male gaze, on trouve des projets de photographes indépendantes qui prennent en photo tout type de corps. Et est-ce que tu peux nous en citer? Oui, alors, il y a Arvida Bistrom qui publie des photos de personnes cisgenres et transgenres avec leur cellulite et leurs poils. Alléluia. Le projet aussi Mille et une fesses d'Émilie Mercier et Frédéric Marseille. Et je citerai aussi Ashley Armitage, qui publie aussi des photos de corps féminins très divers et variés. Je ne sais pas toi, mais il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Mm-hmm. Mais après ce temps d'adaptation, ça m'a fait un bien incroyable, et ça me fait toujours un bien incroyable, de voir ces photos qui montrent vraiment toute la diversité de nos corps. Ah mais clairement, mais moi-même, les premières fois où j'avais vu les photos, j'ai dû aussi m'adapter, mais maintenant ça me fait vraiment du bien de les voir, mais je me fais une thérapie en fait de regarder plusieurs fois comme ça des corps vraiment différents, comme ça m'habitue un peu et ça fait du bien de se dire mais oui, on est des femmes normales en fait nous aussi. Et d'ailleurs, il y a même une femme qui avait commenté une des photos d'Ashley Armitage, et je trouve que c'est une très belle conclusion, parce qu'elle disait « Je dois admettre qu'au début, j'ai trouvé tes photos dégoûtantes. » Donc elle a vraiment dit « dégoûtantes. » Mais plus je les regarde, plus je les trouve belles et normales. Écoute, ouais, c'est effectivement une très belle conclusion. Donc, à toutes nos éditrices, nous sommes toutes des femmes normales. Oui. Et nous sommes toutes belles, chacune à notre manière. Exactement. Et c'est dans la diversité qu'on trouve toute la beauté du monde, de toute façon. Donc, faisons place à d'autres modèles de beauté et d'autres modèles au sens mannequin, en général aussi. Et on espère que ça va, les choses vont continuer à évoluer. Merci beaucoup Talia pour cet échange, ça fait un plaisir comme toujours. Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, de nous avoir écoutés pour cette première émission. On espère que ça vous a plu. Et puis on espère vous retrouver très prochainement pour une seconde émission. Enfin une deuxième émission puisqu'il y en aura plus que deux. J'espère bien. Merci beaucoup, à plus tard. Merci de nous avoir écoutés. C'était le TF Podcast, le podcast du thé féministe. On se retrouve le mois prochain.